Rio Reiser sagte, wir sollten kaputt machen, was uns kaputt macht, wir wollten. Aber leider ging bisher alles schief, Revolte, Demos, auch mein Demo lief. Zwar ganz gut, bin aber leider gescheitert, jetzt sitz ich im Knast, wart auf bessere Zeiten. Ganz harmlos fing es eigentlich an, 2007 in Heiligendamm, spazier übern Deich mit tausenden Freaks. Und schon seh ich 10 Bullen auf mich zurasen. Mit euren Knüppeln könnt ihr echt hart zuschlagen. Ich wach auf und werde erstmal getreten. Ich lieg in einer Zelle, 20 andere daneben. Ich sag, Jungs, es ist eng hier, aber stapeln könnt ihr uns auch anders als mit Tritten in den Magen. Das war ihnen wohl zu frech, ich werde mitgenommen. Und so langsam merk ich, dass ich Schiss bekomme. All eyes on me, ich werde verhört von einem Typ, der Nazi ist und derbe gestört. Er fragt mich, ob ich ein Terrorist wär. Ich sage nein, doch er schreibt, das ist er. Dieses Spiel geht dann so 2-3 Stunden. Ich schlafe langsam ein, doch diese scheiß Kunden lassen nicht locker und fragen mich weiter. Doch wenn ich nicht antworte, dann schlagen die Scheiße. Endlich scheinen sie fertig zu sein, doch statt mich gehen zu lassen, sperren sie mich ein. Für sie bin ich Terrorist, dann muss ich in den Knast. Außerdem hätte ich mich über sie lustig gemacht. Das reicht hierzulande für einen Platz im Stammheim. Frei sind nur die Bullen, die uns treten und dann schreien. Staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. De la merde dans les yeux, ma philosophie au réveil, je transmets mes voeux. Retrouver mon lit, je ne joue pas les dieux. Je ne changerai pas de classe sociale, je sais ce que je veux. Patron et politique sont de mèche, oh mes defs. La voix du syndicat a posé ses pêches dans le pain prolétaire, oh les mains et les miennes. Y'a très peu de chance qu'elles deviennent riches. Quand j'ai les bourses sèches, je n'envie pas ceux qui tiennent la pêche, ceux qui se déplacent comme des flèches du haut de leur casque. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse à mon look moyen-âge? Je suis pas en pleine crise identitaire. Donne-moi tout à refaire que je le réitère. J'observe de la touche, c'est mon caractère. Jusque dans ma couche de grabataire. Appelle-moi capitaliste, ok pas de problème. Mais soyons réalistes, je mène une vie de bohème. Entre Miri et ses poèmes, ses solutions à mes dilemmes. Le regard de ma mère, le bonheur de ma sœur. J'aime et je contemple, je nourris ma flemme. Je ne sample pas la vie, je la mords jusqu'à ce qu'elle saigne. Je remplis mon gaufri, paye mon loyer tout baigne. Ils veulent me mettre au turbin, mais la décroissance règne. La lecture, l'échange, chaque jour m'enseigne. L'amertume, la fange, chaque jour m'atteigne, me colle des beignes. J'ai mes propres valeurs, je me retrouve pas dans les leurs. L'âme son, couleur, argent n'est qu'un leurre. Comme l'accumulation de biens n'est pas un gage de bonheur. Dans ce monde de fric, ce genre de conneries se répand comme une rumeur. Ce genre de conneries se répand comme une rumeur. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution, staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering.